claquettes, chaussettes, survêtes, épées, lunettes, aux clés, boum boum. Galère, problème de cœur ou d'amitié, ça rend fou. Les épreuves, me les prends de bon cœur, j'suis fort comme Sangoku. Laisse ma trace d'ovnis, les chocs, et puis j'me taille dans la bleu dans le rétro. Je les mange par deux dès le matin. J'ai pas besoin de te raconter ce qu'elle fait faire la famine. J'ai vendu la baïda à des mères de famille. J'ai connu 500K, j'ai connu la faillite. J'ai connu le tournage de veste quand ça m'a fait mes hits. Des amis de longue date, ne crache pas dans les dettes, ne crache pas dans les pattes. Tu manges avant que ça pète. De la rue à la snap, je suis le même dans mes snaps. Je gaspille tout dans les saps. Laisse quand je t'aime. Serre-moi la main, ne me fais pas la bise. T'es faux donc je te vois en bis. Ils se demandent ce que je fais dans la if. Je dans 13, organisé bis. Ride with the G's all night long. I do not trip, I won't fuck. Come around here. Ma maman got glacks and blickies and my horse. J'dois bosser deux fois plus pour la mif. Concentré dans la jeep. Parle-nous de trame du rallye ZB. On a tous grandi dans la piste. S'prennent pour les jokes qui sont à plus 100. J'connais pas le quart de nos life le sang. Je régale le gang. Les bonis au blaze médian. J'fume que des pétards toute la nuit. J'suis défoncé. Sur PP que des vicieux dans la ville. Ils sont trop mauvais. J'ai mal à trouver le sommeil. La dernière page sur le cahier de ma vie, j'ai fait tant de ratures. J'ai mal au cœur, je suis tombé de 4 étages. La roue va tourner, dis-moi qu'en penseras-tu. En une fraction, il est déjà brandi. Le temps passe vite, les petits ont déjà grandi. Y'a plus de 10 ans que je rentre après minuit. 22 ans que je suis au cœur de l'incendie. Je me suis faufilé dans toutes les rues de Marseille. Toute la journée, je fais des adresses drive. Mon bloc et le tracking à la baffe d'Espagne. Et sur le chenille, je prends les commandes par 5. Pas de passage à l'acte, on les entend peu. Je fais le bonheur, ceux que j'alimente en deux. J'en sors plus d'ouest-ouest, donc je roule moins feu. Je passe un pic barrage, vol copilote en feu. Sois heureux si la balle te frôle. Ma biche c'est la vue depuis petit, la brosse me colle. Marseille c'est très caliente. C'est un petit village, on te connaît, faut pas feinter. Des bleus dans le sac Gucci. Un feu, des feuilles, la frappe, j'arrête, j'ai tout dit. On a trop faim, y'a que des guindouzis. Mais sans la paye, avec plein de soucis. Ça crie haram, mais là c'est pas les bleus. But de mes savons, les arrêts de jeu. Comme le J, j'arrive en Kalenji. Fais pas l'ancien frérot, j'connais le jeu. Gros pétou sur la place à l'as 2. Scoot volé pour aller à la speed. On veut mettre la daronne à l'abri. J'fume du shit, t'as cru c'était de la drogue. Ça va bien se passer, Inch'Allah on va bien tasser. Mais on veut plus que ça, on veut le monde et négocier. Les petits veulent te saucer, nous on veut se faire sur ça. Pour ta sécu, il faut le faire, ils te diront que pour le faire. Il faut look, reste tranquille, augmente en l'air. De toute façon tu comprends R, Ligomok. Nous c'est les incomparables, une seule voix, une seule parole. Parano comme dans le parrain, j'fais le tour dans la ville sans m'tarot. Frangin c'est abusé, c'est Marseille, c'est la fusée. Assis sur le banc des accusés, t'es plus malin, on va cruiser. On va casser des gueules, on va casser des culs. Acheter de la pierre, dépenser nos écus. On check sa bibi comme si c'était légal. Ça monte des équipes pour jouer des matchs. Ça va vite, c'est la street, c'est Marseille, c'est réel. Ma ville c'est l'asile que des fous, c'est réel. Ça pète pour équestre, tu vis. Une crasseuse qui est pleine de vis. Un four qui tourne à 10. Hey, oh, on lâchera pas le game. J'suis défoncé. Sur PP, que des vicieux dans la ville sont trop mauvais. J'ai mal à trouver le sommeil.